Olga, comme chaque matin, s'éveilla entre 3 et 4 heures du matin. Elle ne pouvait se souvenir depuis l'enfance d'aucune nuit de sommeil et enviait chaque nuit le lourd sommeil de son mari. L'habitude insomniaque de vivre une partie de sa vie dans le silence, l'obscurité, le secret, solitaire, avait sans doute joué un rôle dans l'accession d'Olga au pouvoir. Cela facilitait tellement les choses, de pouvoir scinder sa personne en même temps que sa journée. La nuit était l'espace en témoin, l'espace irréel où l'on pouvait rêver ou manipuler la réalité. Le jour, elle n'avait presque pas l'impression de mentir en jouant la simple épouse et la simple voisine. Ses propres décisions de la nuit, dont elle se souvenait avec distance comme d'un rêve, arrivaient même parfois à la surprendre, à la réjouir, à l'attrister, comme les autres. Ce matin, elle se sentait acculée et prit la précaution de jeter un œil dans la chambre de ses enfants. Se déplaçant comme une ombre impondérable, elle vit Clara, qui grinçait des dents et s'agitait, le visage mouillé dans son sommeil. À ses pieds, en position fœtale, Nils dormait également. Ses yeux étaient extraordinairement mobiles sous ses paupières. Phase de sommeil paradoxal, pensa-t-elle. Puis elle alla se faire du café et s'enferma dans son bureau. Elle ne décidait de rien avant de boire le café chaud et amer qui la rendait à elle-même. Tout allait de travers, trop de choses échappaient à son contrôle. Elle se sentait rattrapée par le cours des choses, trop puissant pour qu'elle le domine, trop rapide pour qu'elle l'anticipe. Elle n'avait qu'à le suivre en se fiant à son intuition. Il fallait prendre des décisions rapides, audacieuses, claires. Elle n'avait pas le temps de peser ses réflexions. Tout allait à volo, à commencer par sa famille. Gauthier était particulièrement morose depuis que Melchior et sa sœur ne venaient plus à la villa. Nils se refusait toujours à se montrer raisonnable et ignorait ses ordres. Quant à Clara, elle se répandait en larmes et se complaisait dans son ridicule chagrin d'amour et dans son amitié malsaine avec Albe. Ensuite, il y avait tous ces changements à gérer. Elle était soulagée que Melchior se soit éloigné, qu'il fréquente Serena. Cela l'occupait et le tenait à l'écart. Elle était de plus en plus persuadée qu'il n'était pas dissident et qu'il cherchait au contraire à se faire oublier. Quant à Brug, il était de plus en plus instable, buvait trop et se compromettait. Elle l'avait toujours particulièrement surveillé et il lui paraissait maintenant urgent de l'empêcher de faire des vagues. La jeune nana ne le stabilisait pas assez. Le vieux Léandrie avait fait une demande de médicaments puissants pour retarder la faim. Olga roula toutes ses informations dans sa tête puis se mit à rédiger, compulsivement, ses ordres. Et elle composa, à l'intention d'Albe, un message terrifiant, lui insinuant que Clara était un agent de l'autorité. Elle espérait briser pour de bon les rapports que sa fille entretenait avec cette folle. Elle refusa ses médicaments à Léandrie, en songeant que sa mort la débarrasserait au moins d'un problème supplémentaire. Il n'avait jamais rien fait qui puisse corroborer ses suspicions, mais elle préférait faire table nette. Puis, il lui vint une idée. C'était le moment de les réunir tous, de les observer en chair et en os. Elle avait besoin de savoir à quoi s'en tenir, et puis cela divertirait Gauthier. Elle rédigea ses convocations et choisit la sœur de Serena comme hôtesse. Les instructions étaient laconiques. Melchior et Serena reçurent tous deux l'ordre de s'afficher ensemble. Cela mettrait peut-être un terme au fantasme de Clara. Albe fut dispensée de sa présence. Anna fut priée de se vêtir de façon discrète. Ce vieux Gauthier était suffisamment émoustillé comme ça. Et de laisser Brug seul. Le maître de maison, lui, reçut l'ordre de proposer de l'alcool à Brug de manière insistante. Quant à Brug, comme ultime test, il reçut l'ordre de venir tout habillé de rouge, de ne pas boire d'alcool et de faire le service de table. Olga supposait qu'il serait incapable d'obéir aux trois points. Il fallait le pousser dans ses retranchements pour voir de quelle étoffe il était fait. Et s'il était aussi têtu que Nils, eh bien, il paierait pour les deux. Et cela ferait un exemple. Brug effacé, le calme reviendrait dans l'île. À quoi demanderait-elle de faire le sale travail? Elle verrait cela plus tard. Un rapide coup d'œil à sa pendule lui indiqua qu'il était l'heure de refaire un somme avant l'aube. Elle fit disparaître toute trace de son passage et verrouilla son ordinateur. Quand elle retourna se coucher, Gauthier se retourna en grognant.